appétit. Tous les pouvoirs au parapluie, l'interdiction des incendies. Je suis beau, je suis beau. Pas dans ma cour. La gestion des on-dit, de retour après minuit, les attroupements autour d'un lit, l'inspection des kiwis. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Pas dans ma cour. Dans ma coupe.